Libre expression. Page 18. Horizon 2020. Notre avenir ensemble. Par Philippe Henry, Bruno Hérissé, Marilyn Das, Vincent Saulnier, Bénédicte Ferry, Laurent Rocher, Marielle Plancheneau-Michel, Ronald Corvée, Edith Gerboin, Benoît Lyon, Mohamed Nouri, Martine Lemoine, Christiane Varet, Myriam Métiba, Christian Baudouin, Nadine Bruand, Jean Plard, Marivonne Vigneron, Daniel Bobard, Dominique Zon, Jacques Guérin, Anita Soupli, Bruno Lenormand, Barbara Gendry, Stéphane Mercier, Dominique Desprez, Paul Roubac. Un budget exigeant mais ambitieux. Dans un contexte difficile de réduction des dotations aux collectivités, l'équipe municipale a voulu marquer à l'occasion du premier budget de la mandature sa détermination à porter des projets d'avenir structurants et à accompagner les entreprises locales du bâtiment et des travaux publics. La chute des dotations imposées par le gouvernement va s'amplifier jusqu'en 2017. C'est près d'1 million d'euros cumulés qui sera perdu par la ville dans les 3 ans. Cette situation nous oblige à poursuivre nos efforts de gestion, moins 3,8% des dépenses à caractère général, tout en maintenant une réelle qualité de service public et en préservant le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux de fiscalité. Nous sommes aujourd'hui en capacité de poursuivre nos efforts pour améliorer le cadre de vie, rue 19e, place Saint-Rémy et rue Volney, conforter la solidarité avec les plus fragiles et nos anciens, 300 000 euros de subvention au CCAS, investir dans l'éducation et la jeunesse, construire la ville durable, éco-performance des bâtiments publics, schéma directeur d'éclairage public, plan vélo, accompagner la vitalité des associations, 85 000 euros de subvention, et porter un projet attractif et structurant au parc Saint-Fiacre, reconfiguré avec une salle de 900 places et un foirail entièrement réhabilité. En provisionnant depuis 2012 2,85 millions d'euros sur un budget de salle de 7 millions, nous aurons un recours raisonné à l'emprunt dans un contexte bancaire favorable avec de faibles taux d'intérêt. Face aux difficultés, notre équipe a fait le choix de garder confiance, d'agir de façon responsable et de soutenir l'économie locale tout en préparant un monde durable aux générations futures. Restant à votre disposition et au service de Château-Gontier-Bazouges.